Le porte-parole de l'Association générale des Coréens en Chine a publié le 19 courant une communication pour dénoncer la bande des conservateurs qui, à la veille des présidentielles qui auront lieu le 9 mai, prend le parti du candidat du Parti du Peuple qui adhère à sa politique de confrontation fratricide et de servilisme à l'égard des grandes puissances.